Et donc le centre de notre galaxie qui est situé à 25 000 années-lumière de nous, et donc elles sont effectivement extrêmement larges, comme vous l'avez dit. Elles ont une dimension qui est de l'ordre de 20 000 années-lumière de part et d'autre, et elles émettent des rayons gamma, donc effectivement, comme l'a dit Maïka, une lumière, c'est des photons, en fait, des photons qui sont un milliard de fois ou plus d'un milliard de fois plus énergétiques que la lumière visible, donc vraiment des photons très très énergétiques qui sont effectivement le résultat de la présence dans ces bulles de particules très, très énergétiques, donc des particules ultra-relativistes qui produisent ces rayons gamma. Alors, ces bulles de Fermi, on les a découvertes il y a une dizaine d'années, en 2010. C'est l'équipe de Douglas Finkbeiner qui les a découvertes. Comment est-ce qu'on est tombé dessus, en fait, si elles sont aussi énormes? Comment se fait-il qu'on ne les ait vues que si tard, en quelque sorte, Maïka Clavel? Alors, la découverte fait suite au lancement du satellite Fermi qui a été lancé en 2008. Donc, il a fait une cartographie complète du ciel en rayons gamma. Donc, dans cette carte, il y avait beaucoup de sources ponctuelles qui émettent en rayons gamma, comme les pulsars, par exemple, de l'émission diffuse très brillante associée au plan de la galaxie, donc qui est liée à l'interaction des rayons cosmiques avec la matière dans le plan de la galaxie. Et c'est en soustrayant donc ces deux contributions connues dans l'émission résiduelle qu'on a pu voir ces sources, donc ces bulles de Fermi. Donc c'est des choses qui sont extrêmement brillantes, mais qui étaient cachées derrière de l'émission encore plus brillante qu'on voit en rayon gamma. Un mot sur cette découverte. Une fois, donc, depuis 2010, on a réussi à préciser un peu cette observation, à préciser exactement le tableau en quelque sorte. Oui, on a pu regarder en détail leur morphologie. On s'est aperçu que c'était des structures dont les bords étaient très nets, ce qui est assez inattendu dans des émissions très étendues comme celle-ci. C'est des régions qui sont très uniformes, donc on peut mesurer ce qu'on appelle le spec, c'est-à-dire la distribution d'énergie des photons. Et on s'aperçoit qu'il varie très peu dans ces bulles, ce qui est aussi une surprise. On verra peut-être pourquoi après. Depuis maintenant 10 ans, effectivement, les données s'accumulent et maintenant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est à des niveaux d'énergie vraiment particulièrement élevés. Oui. Comme je disais tout à l'heure, effectivement, un photon gamma, c'est entre 10 et entre 1 milliard et 1000 milliards de fois l'énergie d'un photon optique visible, de ce qu'on voit tous les jours. Donc c'est des longueurs d'onde qui sont tout petites, qui sont plus petites que la taille du noyau atomique, en fait. Donc c'est vraiment des particules extrêmes. Sur l'émission, j'ai lu, alors je vous laisse corriger pour qu'on ait, puisqu'on parle de physique des hautes énergies, l'émission viendrait d'électrons accélérés à 500 gigaélectronvolts. Alors effectivement, pour produire du rayonnement, le rayonnement gamma qui est observé dans les bulles de Fermi, il faut accélérer des particules. Et donc ces particules, donc toute la question c'est de savoir où est-ce qu'elles sont accélérées, oui. Et comment elles se propagent dans les bulles de Fermi. Et après, j'ai pas la conversion exacte, peut-être que Régis. Oui, effectivement. Alors, il y a deux mécanismes pour produire ces photons gamma. Et une des premières questions qui s'est posée quand on les a découvertes, ça a été de savoir qu'est-ce qui est à l'origine du rayonnement gamma. Et donc, effectivement, ça peut être des électrons très énergétiques, comme vous avez dit, autour de 500 gigaélectronvolts, et qui vont taper dans des photons ambiants, donc le champ de lumière qui est présent dans le halo, et qui vont transférer leur énergie aux photons et le transformer en rayon gamma. Ou bien, ce sont des noyaux, là encore ultra-relativistes, avec des énergies comparables, et qui vont rentrer en collision avec de la matière dans le halo de la galaxie, casser en gros le noyau et créer des particules secondaires parmi lesquelles des photons gamma. On va continuer à parler de ces bulles de Fermi, on va continuer à les décrire et vous allez voir qu'il reste quelques hypothèses pour comprendre leur existence, mais aucune d'elles n'est tout à fait satisfaisante et le mystère reste assez épais et tout aussi passionnant qu'il est épais. France Culture, la méthode scientifique. Nicolas Martin. À 16h15, nous parlons donc des bulles de Fermi tout au long de cette heure. Ces deux immenses bulles qui encerclent, alors je ne sais pas si encercle c'est le mot tout à fait exact, mais enfin, qui sont de part et d'autre du plan de notre galaxie. Nous en parlons avec Maïka Clavel et Régis Terrier. Maïka Clavel, une fois qu'on a décrit ces bulles, qu'on les a identifiées, qu'est-ce que c'est exactement finalement? Qu'est-ce qu'il y a dans ces bulles, concrètement? Alors, donc, il y a de la matière qui a été déplacée et qui a fait enfler ces bulles. Et on a donc deux scénarios qui permettent d'accélérer les particules et de déplacer la matière de manière aussi drastique. C'est, donc, vous l'aviez dit en introduction, soit une flambée d'étoiles, donc un épisode de formation d'étoiles, des étoiles massives qui vont mourir, qui vont exploser en supernova et qui vont donc créer des vents qui vont transporter la matière loin du plan galactique, et ou un épisode d'activité du trou noir supermassif au centre de notre galaxie. Donc il faut savoir qu'au centre de notre galaxie, on a un trou noir qui fait 4 millions de fois la masse de notre Soleil, et s'il y a de la matière qui tombe dans ce trou noir, on peut avoir, encore une fois, des éjections de matière très violentes, soit sous la forme de vent, soit sous la forme de jets, et qui peuvent aussi accélérer donc des particules et créer l'émission gamma qu'on voit. Alors, on reviendra sur ce trou noir, ou en tout cas sur ces deux hypothèses, et sur le trou noir supermassif Sagittarius à l'étoile. Mais ce que je veux dire, c'est que si on concrètement Régis Terrier, dans ces bulles-là, qu'est-ce qu'on va trouver ? On trouve de la matière ? Ce sont des gaz ? Quel type d'éléments ? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? De quoi elles sont peuplées finalement, ces bulles, en quelque sorte ? Eh ben, essentiellement de particules ultra-relativistes, effectivement, d'électrons, de noyaux, qui sont accélérés à des vitesses de l'ordre de celle de la lumière. C'est l'essentiel, donc c'est très peu de matière finalement, hein, c'est surtout des particules énergétiques. Et on trouve un petit peu de gaz chaud, on va trouver éventuellement aussi de la matière plus froide, la matière atomique qui va être entraînée effectivement et qu'on retrouve à l'intérieur de ces bulles de Fermi, qui est poussée par la pression du vent et qui se répartissent dans les bulles. Ces bulles de Fermi, elles sont propres à la Voie lactée ou est-ce qu'on les observe ailleurs, Régis Terrier ? Pour l'instant, on a quelques indications ou des soupçons qu'il pourrait y en exister, par exemple autour de la galaxie d'Andromède, la grande galaxie spirale la plus proche de nous, M31. Ça reste encore très incertain, c'est difficile à caractériser, hein, l'émission gamma c'est difficile, enfin il y a peu de photons à mesurer, donc c'est en général difficile à détecter. Donc des bulles de Fermi vraiment qui ressemblent à celles qu'on voit, on en connaît qu'essentiellement dans notre galaxie pour l'instant, mais effectivement probablement il doit y en avoir ailleurs. Un mot pour compléter ça, Mike Clavel, a priori c'est quelque chose qui serait vraiment lié à un événement ponctuel dans notre galaxie et pas un élément constitutif de toutes les galaxies spirales, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, alors c'est pas parce qu'on les a pas détectées ailleurs qu'elles n'existent pas. Si ça s'est produit dans notre galaxie, il est probable que ce soit produit dans d'autres galaxies et qu'il y ait l'équivalent des bulles de Fermi dans d'autres galaxies. Par contre, ces galaxies sont beaucoup plus loin et du coup, pour détecter ces bulles, c'est beaucoup plus compliqué, d'où le fait qu'on ait pour l'instant juste une détection claire dans notre galaxie. Aujourd'hui, on pense que ces bulles de Fermi sont relativement récentes comparativement à l'âge de la galaxie. Qui veut répondre, Régis Terrier ? Oui, absolument. On a parlé de ces deux hypothèses en fait du type de particules sur lesquelles on va revenir par ailleurs, mais qui produisent les rayons gamma. Donc soit ce sont effectivement des noyaux et dans ce cas-là. L'âge pourrait être très élevé. Certains parlaient d'âge qui est comparable de l'ordre du milliard d'années, mais ça semble très peu probable aujourd'hui. Effectivement, l'hypothèse principale, c'est que ce sont des objets récents, au sens galactique du terme, hein, c'est-à-dire quelques millions d'années, ou peut-être dizaines de millions d'années, mais donc des objets plutôt jeunes. Mmh. Un mot là-dessus, qu'est-ce que ça implique, le fait que ce soit des objets plutôt jeunes? Ça implique qu'effectivement, ce serait plutôt quelque chose qui est lié à un événement ponctuel, plutôt qu'une composante indissociable de la nature même de la galaxie. Oui, effectivement, ça veut dire que c'est quelque chose qui s'est produit récemment à notre échelle de temps et qui a par contre une influence sur comment notre galaxie est maintenant, indépendamment de la manière dont elle s'est formée. Quel type d'influence, par exemple ? Il va y avoir une rétroaction entre tout ce gaz qui est poussé qui va retomber d'une manière ou d'une autre sur le plan de la galaxie. Et ça va perturber la formation des étoiles et ce genre de choses. Alors, si on prend les deux hypothèses, donc, pour le moment concurrentes, examinons-les chacune, si vous le voulez bien, et voyons quelles cases elles cochent et quelles sont les cases qui restent non cochées ou en tout cas les interrogations qui restent en suspens. Prenons la première hypothèse, Régis Terrier, celle de puissants jets de particules émis par le trou noir supermassif Sagittarius A étoile. Alors, il faut peut-être repréciser de quoi il s'agit, puisque dans l'esprit de nos auditrices et nos auditeurs, un trou noir, on leur a souvent expliqué que ça absorbait toute information, que ça absorbait la matière, etc. Or là, on est en train de nous dire que le trou noir, ça recrache la matière. Donc, il faut réexpliquer de ce que signifierait cette hypothèse exactement. Oui, alors le trou noir, effectivement, il est entouré de matière, il va pouvoir en accréter une partie, c'est-à-dire une partie de la matière va pouvoir tomber sur le trou noir, mais ce faisant, la matière, elle est chauffée énormément, elle va se mettre à rayonner de manière intense, et du coup, une partie de la matière va s'échapper en fait de ce flot d'accrétion, de cette matière, de ce flot de matière qui tombe sur le trou noir, et va pouvoir s'échapper. Ça peut être sous forme de vent. Dans ce cas-là, c'est le rayonnement qui va pousser la matière elle-même et la faire sortir de la région d'accrétion. Ça peut être sous forme de jet, effectivement, donc de la matière qui va être émise dans une direction préférentielle à des très grandes vitesses, parfois des vitesses relativistes, qui vont pouvoir sortir de la région du voisinage du trou noir. Comme pour les quasars, par exemple. Exactement comme pour les quasars, où on observe le phénomène avec des jets gigantesques, parfois sur des échelles de plusieurs centaines de milliers d'années-lumière. Donc, si on reprend cette hypothèse, Maïka Clavel, ça voudrait dire que, finalement, notre trou noir aurait éjecté de manière très violente, si ce terme a un sens à l'échelle cosmologique, certainement pas beaucoup, mais bon. Mais en tout cas, il y aurait eu un événement d'éjection de matière assez violente qui aurait donc créé de part et d'autre ces bulles. Mais le problème, c'est que notre trou noir du centre de la Voie lactée, c'est pas un trou noir très énervé, c'est un trou noir assez calme. C'est tout à fait un trou noir qui dort, c'est le trou noir qu'on connaît qui est le plus faiblement lumineux à ce jour, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres qui ne sont pas aussi peu lumineux. Mais voilà, ça met des ordres de grandeur d'activité. Ce n'est pas improbable que ce soit passé, puisqu'on sait qu'il y a de la matière qui peut arriver à proximité du trou noir et que, selon les processus qui viennent d'être décrits, la matière qui tombe va en partie être éjectée sur certains scénarios à très haute latitude. Donc ça, c'est possible, mais c'est pas ce qu'on observe actuellement. Si ce n'est pas ce qu'on observe actuellement, ça n'empêche qu'il ait pu se passer, il y a donc quelques millions d'années, un événement particulier qui aurait créé et produit finalement ces bulles de Fermi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on a un problème d'échelle de grandeur en termes énergétiques, c'est bien ça, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que ces bulles de Fermi, elles demandent quand même une forme d'activation un peu cataclysmique, ou en tout cas extrêmement puissante en termes d'énergie déployée. Donc pour le scénario avec le G, il faut donc le trou noir, il y a une luminosité maximale qui peut atteindre, une quantité de matière maximale qui peut avaler, et donc là la contrainte qu'on a sur la quantité de matière qui est tombée dans le trou noir, c'est à la limite, on est à la limite entre 10% et 100% de ce que peut faire le trou noir. Donc c'est très très énergétique, et donc beaucoup plus énergétique que tout ce qu'on a pu observer au centre de la galaxie actuellement, mais c'est pas impossible puisqu'on le voit ailleurs dans d'autres galaxies, et y compris dans le groupe local, des trous noirs qui sont extrêmement actifs. Votre sentiment à ce propos, Régis Terrier, sur cette hypothèse et sur les montants d'énergie finalement qu'elle suppose par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui au présent de l'observation de Sagittarius à étoile? Oui, aujourd'hui, la luminosité de Sagittarius à étoile, c'est à peu près un millier de fois la luminosité solaire, c'est très peu. Et effectivement, comme l'a dit Michael, potentiellement, il pourrait atteindre une luminosité qui est de l'ordre de la luminosité totale de la galaxie, c'est-à-dire en gros 100 millions de fois ce qui est sa luminosité actuelle. Et donc ça, effectivement, la question c'est comment il a pu passer dans un état pareil. Aujourd'hui, de temps en temps, il a des petits sursauts d'activité, mais qui sont quand même très limités. Hein. C'est des changements de luminosité très courts, de l'ordre de l'heure ou à peine plus. Et rien qui s'apparente à un changement pareil. Et donc là, effectivement, on sait qu'il y a très peu de matière aujourd'hui qui tombe sur le trou noir et que la matière qui tombe en plus ne tombe pas de manière très efficace dessus, donc elle n'est pas convertie en rayonnement enfin efficacement. Mm-hmm. Et donc il faut vraiment un changement et il faut qu'à un moment donné la matière ait pu tomber de manière beaucoup plus abondante sur le trou noir pour qu'il puisse monter en luminosité et pouvoir éjecter de la matière et accélérer des particules. Alors, pour expliquer cette montée en luminosité, une autre hypothèse dans l'hypothèse, en quelque sorte, une sous-hypothèse, serait qu'à un moment donné, un immense nuage de gaz se soit approché, l'équivalent d'environ 100 000 masses solaires, donc quelque chose d'assez conséquent, et ce, à une échelle de temps telle que nos collègues de Futura, du site Futura Science, écrivaient « Les Australopithèques auraient peut-être vu la gigantesque éruption du trou noir au centre de la Voie lactée. » C'est-à-dire qu'on est donc dans à quelques millions d'années, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. On a toute une série effectivement d'indications qui nous disent qu'effectivement il y a dû y avoir beaucoup plus de matière qui tombait sur le trou noir il y a quelques millions d'années. Les bulles de Fermi en sont une. Il y a d'autres indications aussi. Par exemple, il y a un amas d'étoiles très massif autour du trou noir et c'est assez difficile à expliquer. Donc cet amas d'étoiles, on peut mesurer son âge en regardant les étoiles qu'il compose. Et essentiellement, les étoiles ont entre 3 et 8 millions d'années. Donc on estime un âge qui doit être de l'ordre de 5, 6, 7, 8 millions d'années pour cet amas d'étoiles. Et donc il a fallu qu'il soit formé. Pour qu'il soit formé, il faut qu'il y ait un nuage massif qui soit présent et qui s'effondre pour former les cœurs stellaires. Et donc ce nuage, il devait être au niveau du centre galactique à l'époque où les étoiles se sont formées. Donc probablement, autour de quelques millions d'années, il y a dû y avoir... Donc l'âge des Australopithèques, puisque l'Australopithèque, voilà, c'est entre 4 et 2 millions d'années. Voilà. C'est pour le titre. Peut-être un commentaire aussi là-dessus, Maïka Clavel. Est-ce que ça, l'idée justement d'un important nuage de gaz qui d'un seul coup approche Sagittarius à l'étoile et crée finalement ces niveaux, ou en tout cas permettre de créer ces niveaux d'énergie, c'est aujourd'hui une tentative d'explication de l'existence de ces bulles de Fermi qui vous semble satisfaisante ? Alors oui, c'est une hypothèse satisfaisante dans le sens où c'est quelque chose qui a pu arriver. Enfin, on le voit dans d'autres galaxies, du gaz qui est accrété au niveau des trous noirs au centre des galaxies. Et actuellement, ça paraît être l'hypothèse la plus crédible. La question, c'est de savoir si la présence de ce nuage de gaz a pu générer des jets ou non. Et qu'est-ce qui pourrait discriminer l'un de l'autre ? Alors, c'est les vitesses qui sont en jeu, puisque le jet va accélérer la matière beaucoup plus rapidement. On parle de quelques milliers de kilomètres par seconde que des vents qui peuvent être générés par le trou noir, qui sont plutôt de l'ordre de la centaine de kilomètres par seconde. Et donc, si on arrive à mesurer les déplacements de la matière, on pourrait discriminer entre une hypothèse et l'autre. Alors ça, c'est pour la première donc des deux hypothèses. L'autre hypothèse concurrente pour l'existence et la création de ces bulles de Fermi, on en parlait il y a quelques minutes, c'est celle d'une intense activité de formation d'étoiles. Est-ce que qui veut m'expliquer ça ? Régis Terrier, pour commencer. Oui, le centre galactique abrite beaucoup, une fraction très importante de la matière moléculaire dans la galaxie. La matière moléculaire, c'est le gaz froid, c'est le gaz qui va pouvoir s'effondrer et former des étoiles. Pour autant, aujourd'hui, on peut estimer un peu la quantité d'étoiles qui se forment, et donc voir un peu cette activité. Elle est relativement faible aujourd'hui, ça n'a pas forcément toujours été le cas, et donc il y a pu y avoir des épisodes dans lesquels beaucoup plus d'étoiles se formaient. Et donc, qui dit plus d'étoiles qui se forment, essentiellement on va avoir formation d'étoiles en général massives. Ces étoiles sont très lumineuses, elles vont créer elles-mêmes des vents, c'est-à-dire qu'elles vont repousser et accélérer les couches externes, leur couche externe, essentiellement sous l'effet de la radiation. Et au bout d'un certain temps, de quelques millions d'années pour les plus massives, elles vont exploser sous forme de supernova et dégager une énergie cinétique extrêmement importante sous forme d'ondes de choc. Et donc, quand il y a des épisodes importants de formation d'étoiles, en quelques millions d'années, dizaines de millions d'années, on peut dégager une énergie très importante qui va effectivement pouvoir s'échapper dans le halo de la galaxie et peut-être former des structures comparables. Quelles sont les apories de cette hypothèse secondaire ? Parce qu'il faut, on l'a dit, notre trou noir central, le centre de la galaxie, notre galaxie aujourd'hui n'est pas une n'est plus une très grosse productrice d'étoiles. Elle en produit à un rythme relativement modéré, je vais vous laisser le rappeler, mais c'est quelques étoiles par... C'est un dixième de masse solaire par an. Oui, c'est ça, voilà. Donc, c'est quand même pas grand-chose. Quel est le point faible, entre guillemets, de cette seconde hypothèse de création stellaire? Alors, c'est qu'il faut augmenter le taux de formation stellaire pour arriver au niveau d'énergie nécessaire pour gonfler ces bulles de Fermi. Et donc, si on considère uniquement les bulles de Fermi, on est encore dans la limite du raisonnable, mais c'est de l'ordre de 10... C'est au moins 10 000, l'énergie d'à peu près 10 000 supernovas pour gonfler les bulles, en fait. Donc on peut y arriver dans un temps raisonnable. 10 000 supernovas, c'est quand même une belle quantité. Oui. Voilà. Pour le dire comme ça. Voilà, et après, on a des contraintes maintenant qui nous montrent que les bulles de Fermi ne sont pas forcément entre... ne contiennent pas complètement le bilan énergétique qu'il faut. Et donc là, on arrive vraiment à la limite de ce qu'on peut faire avec les étoiles, avec les bulles Rosita dont on va parler, j'imagine. Oui, bien sûr, on va en parler tout à l'heure, parce qu'on parle des bulles de Fermi, mais vous allez voir qu'il y a d'autres bulles qui viennent encore complexifier un peu notre affaire. Une question, est-ce que ces deux hypothèses peuvent être complémentaires? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait un peu des deux? Oui, je pense que oui. On observe dans d'autres galaxies des vents qui sont produits par des flambées d'étoiles. On observe des jets qui accélèrent. Donc bon, on sait aujourd'hui qu'il y a de la formation d'étoiles, même si elle est à un rythme assez peu soutenu. Donc elle doit contribuer, même modestement, à transférer de l'énergie dans les bulles de Fermi. C'est probablement pas aujourd'hui le phénomène le principal, parce qu'il faudrait attendre des durées extrêmement longues pour pouvoir vraiment déposer assez d'énergie. Donc clairement, aujourd'hui, le niveau actuel n'est pas suffisant, mais il est là, et donc à minima, il doit contribuer. Donc il est probable que le niveau ait été plus élevé autrefois, peut-être encore une fois pas assez pour former les bulles, mais là encore, ça a dû contribuer aussi à transférer de l'énergie dans les bulles de Fermi. Maïka Clavel ? Je suis d'accord avec cette analyse. Et tout reste de savoir quelle est la proportion qui est liée aux étoiles et la proportion qui est liée à l'activité du trou noir. On va voir que, comme vous l'avez entendu, ces deux hypothèses sont plus ou moins robustes. Elles ont chacune leur fragilité. L'histoire ne s'arrête pas là. Elle se complexifie car, en plus des bulles de Fermi, il y a d'autres formes de bulles un peu similaires qui ont été détectées par d'autres moyens, qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais qui sont encore plus grosses. On va continuer à essayer de comprendre ce que sont ces bulles de Fermi et puis également quelles conséquences elles peuvent avoir sur notre galaxie. Ce sera dans quelques secondes. Seconde musicale. I'm going to walk the Milky Way. Oh yes, one of these days. Oh, one of these days. Don't you know I'm going to walk the Milky Way. Oh, one of these days, yeah, one of these days, I'm gonna walk out and take my stand, yeah. I'm gonna join that Christian band. Oh, yes, I'm gonna walk, walk the Milky Way, baby. Oh, no, one of these days. Father and God the Son. Oh, oh, oh, oh. Milky Whiteway à 16h35 sur France Culture, des Rosetta Tarm. Nous parlons donc de la Voie lactée et plus précisément de ces deux immenses bulles qui l'entourent, que l'on appelle les bulles de Fermi, que l'on sait très bien observer, qui rayonnent dans, à très très haute, énergie en, dans le gamma, mais dont on a du mal encore à expliquer l'origine. Nous en parlons avec Maïka Clavel, qui est chargée de recherche CNRS à l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble, et Régis Terrier, astrophysicien, directeur de recherche CNRS et chercheur au laboratoire astroparticules et cosmologie de l'université Paris-Cité. Parmi donc les deux hypothèses que nous avons évoquées, il y a celle du centre de la galaxie comme émettrice de ces bulles. Eh bien, cette hypothèse-là vient d'avoir un appui via une étude publiée récemment qui la privilégie. Bonjour Céline Lezen. Bonjour Nicolas. Bienvenue de retour merci, parmi nous. C'est un immense plaisir de vous retrouver, vous savez. C'est un plaisir partagé, Céline, voyons. Vous avez donc rencontré Céline, un chercheur qui vient de publier une étude qui renforce donc cette hypothèse numéro 1. Eh bien oui, parce que quand on observe ces bulles, on s'interroge forcément sur l'origine de leur formation. Et en scrutant leur base, des chercheurs ont découvert, alignés dans l'axe de ces bulles, une sorte de cheminée de gaz, comme un canal géant qui relie le centre de la galaxie à ces bulles et qui semblent les alimenter en gaz. Ces observations ont été faites grâce au satellite XMM Newton, qui a permis de dresser une carte de la zone dans le domaine des rayons X. Andrea Gollrum, co-auteur de cette étude, qui a été publiée dans Nature, travaille sur cette hypothèse qui n'est cependant pas la seule en lice pour résoudre la question de l'origine des bulles de Fermi. Le trou noir du centre galactique est très peu actif aujourd'hui, donc nous l'étudions, nous le voyons, on le voit à un rayonnement X, et notamment on voit des espèces d'éruptions d'émission X. Cette émission est vue aussi en infrarouge avec les instruments au sol. Il y a des résultats très intéressants parce que même si cette émission est très faible, ça nous permet de sonder en fait un trou noir de 4 millions de masses solaires. Donc on peut étudier le trou noir, mais nous cherchons aussi qu'est-ce qu'il y a autour. On a fait donc ces cartes dans le domaine des rayons X des basses énergies, la partie plus basse énergie. Et là, on se rend compte qu'il y a des structures, vous voyez, des espèces de boules ou des lobes qui montrent comme espèce de... D'émission, de protubérance. Des outflow, on dit. Ah oui, on voit des flux un peu circulaires qui émanent du centre de Sagittarius. Voilà, qu'on voit pas haute énergie. Donc, c'est à cette énergie-là, donc autour d'un keV, c'est une émission un de kiloélectronvolts. Kiloélectronvolts. Il s'agit de gaz chaud. Donc, il y a des protubérances, des lobes, des arcs, de gaz chauds qui sont à peu près en provenance du centre galactique. Et en plus, on voit des structures, en fait, vous voyez des structures de outflow encore plus étendues. Donc, ce qu'on a fait en 2017, 2018, nous avons lancé un programme d'observation, observation avec XMM, sur les parties plus extérieures du centre galactique. Et là, on a effectivement découvert des cheminées. En fait, on a vu que ce gaz chaud, il s'étale au nord et au sud du centre galactique, à latitude plus élevée et plus bas, et s'étale sur une dimension d'à peu près 200 parsecs. Alors, un parsec, ça fait 3 années-lumière et quelques. Donc, 200 parsecs d'un côté et de l'autre. Ce qui est intéressant, c'est que là, on peut voir, enfin, il y a cette photographie avec des couleurs faussées, évidemment, mais on peut voir ces arcs, vous parlez de lobes, comme si c'était les prémices de ces lobes de Fermi. En tout cas, ils sont alignés dans l'axe, dans le exactement, même axe. Exactement, et ils arrivent à une région qui, vous voyez, ces lignes-là délimitent les boules de Fermi. Donc, cette boule, donc, nous, ce n'était pas notre sujet. Ce sont des boules de... Vous voyez, ça, c'est toute la galaxie. Vous avez le disque galactique et vous avez cet énorme lobe. Donc, le centre galactique est tout petit là-dedans. Mais ce qu'il semble que notre observation montre, en fait, c'est que, en fait, on voit les structures qui connectent la région du centre avec ces boules-là. boules dont l'origine est assez discutée. Donc, oui, c'est encore une hypothèse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en étudiant en fait le centre galactique, sans le vouloir, vous avez sans doute mis le doigt sur une origine possible de bulles de Fermi. Exactement, l'origine. Donc nous voyons une façon nous semble de voir les canaux à travers lesquels l'énergie est injectée dans ces énormes boules qui, étant aussi symétriques autour du centre de la galaxie, évidemment indique que l'origine n'est pas ailleurs dans la galaxie, mais c'est bien dans la région centrale. Mais là, on arrive vraiment à les connecter avec la région centrale. Alors, on aurait bien aimé pouvoir dire si ces canaux-là nous donnent une preuve de l'origine véritable. Mais en fait, on n'est pas là. Pourquoi ? Parce que donc, dans cette région, il y a bien sûr le trou noir supermassif, très faible aujourd'hui, très peu actif, mais qu'il aurait pu être actif il y a un million d'années et injecter donc cette énergie en forme de jet de particules comme on voit arriver dans d'autres galaxies extérieures. C'est déjà un grand pas. Alors quelle sera la suite des travaux ? Est-ce que vous allez continuer à travailler sur les données fournies par XMM Newton ? Alors, je crois que donc les prochaines étapes seront aussi l'utilisation d'autres instruments. Notamment, nous sommes impliqués dans dans des projets d'observatoire X, comme le grand projet Athéna. C'est un projet de l'Agence spatiale européenne qui sera lancé par contre dans les années 2030. Et dans avec ces instruments, on pourra faire de la spectroscopie FID un rayon X. Donc ça nous permettra de faire des études beaucoup plus raffinées, de tout serrer des éléments qui sont présents dans ce gaz, et on pourra faire des études plus détaillées en termes de spectroscopie. Voilà donc ces hypothèses de cheminées de gaz qui auraient alimenté ces bulles de Fermi. Votre réaction, votre sentiment vis-à-vis de ce que vous venez d'entendre l'un et l'autre, Régis Terrier ? Oui, et ben comme l'a très bien expliqué Andrea Goldwurm, on observe des structures beaucoup plus petites que les bulles de Fermi, puisqu'effectivement il s'agit de milliers d'années-lumière de part et d'autre du centre de la galaxie, mais toujours centré, et là on le voit très nettement puisqu'on regarde autour du centre, on voit des trucs dont la base fait une trentaine de parsecs, et c'est qui de part et d'autre du trou noir, et qui contiennent une énergie sous forme de gaz chaud qui est très importante, qui est de l'ordre, là encore une fois, si on compte en unités de supernova, disons presque plusieurs dizaines, voire une centaine de supernova. Donc elles sont alimenté là aussi par régulièrement en énergie, et leur origine effectivement est pas très claire. Est-ce qu'elle est elle pourrait être récente finalement, mais dans la mesure où elle connecte assez bien avec la base des bulles de Fermi, c'est vrai que c'est quand même intéressant d'imaginer qu'il s'agit en fait un peu du vestige ou de la région par laquelle peut-être un jet est passé pour aller alimenter former les bulles ensuite. Votre sentiment, Maïga Clavel, sur ces cheminées ? Oui, non, c'est des structures qui sont, comme l'a dit Régis, beaucoup plus petites, mais contrairement aux bulles, on ne voit pas vraiment de fin de ces cheminées, donc c'est vraiment un conduit qui mène du centre de la galaxie jusqu'aux bulles de Fermi, et que peut emprunter l'énergie et les particules accélérées. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour connecter ces bulles de Fermi à très grande échelle, aux plus petites échelles du centre galactique. Question du coup qui se pose, est-ce que ces bulles de Fermi sont des vestiges ou est-ce qu'elles sont encore alimentées ? Maïga Clavel ? Alors, l'énergie colossale qu'il a fallu pour les gonfler et les faire émettre en rayon gamma, elle a été émise, a priori, il y a plusieurs millions d'années, et c'était un événement qui a duré dans le temps, mais qui était assez ponctuel. Mais par contre, elles sont toujours alimentées par des supernovas qui continuent d'exploser dans le centre de la galaxie et qui passent, justement, l'énergie peut passer par ces cheminées pour aller alimenter ces bulles, mais c'est pas la libération d'énergie actuelle qui explique la totalité des bulles. Mmh. Là-dessus, Régis Terrier, sur le fait que finalement, elle continue, il continue à y avoir de la matière très énergisée qui continue à remplir ces bulles, ça veut dire qu'elles continuent à gonfler ou est-ce qu'elles sont fixes ? Alors, elle continue à gonfler, mais probablement plus parce que l'énergie qui a été mise dedans dès le début est telle que elle continue à se propager, à pousser la matière du halo galactique, et donc elle continue à gonfler pour ça. Mais cela étant, effectivement, il est possible que de nouveau d'autres particules énergétiques soient injectées dedans. Et pour ça, effectivement, il faudrait qu'on puisse le vérifier en trouvant des traces de ces particules énergétiques. Donc peut-être, si on arrive à mieux étudier la base des bulles de Fermi en rayons gamma, donc ces rayons gamma qui tracent la présence de ces particules très énergétique, ce serait un signe si effectivement on pouvait voir un peu plus clairement. Alors c'est difficile puisqu'effectivement il faut séparer de l'émission de la totalité de la galaxie qui est évidemment très importante à cet endroit. Le bruit de fond. Le bruit de fond, ouais. Voilà, l'avant-plan, ou le, ouais, effectivement, ouais. Et donc c'est assez difficile, mais bon, peut-être on pourra réussir à le faire avec d'autres instruments. Il faut une nouvelle instrumentation, il faut une technologie plus pointue pour réussir justement à discriminer cet avant-plan gamma des bulles de Fermi la signature des bulles de Fermi. En fait, les bulles de Fermi sont plus visibles quand on regarde des énergies élevées de rayons gamma. Donc en fait, il faut essayer de regarder des énergies élevées. Alors, pas trop, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une limite. On sait qu'elle brille jusqu'à ce qu'on ait une centaine de gigaélectronvolts. Il se pourrait qu'au niveau de la base, ce soit un peu différent. Peut-être effectivement parce que des particules énergétiques sont encore produites et injectées dans les bulles. Et ça, on pourrait peut-être le voir si effectivement on regarde à plus haute énergie avec des instruments qui seraient du coup un peu moins gênés par les avant-plans. Quels sont les instruments aujourd'hui qui permettent d'étudier, de suivre justement l'évolution, de faire des relevés de ces bulles de Fermi, Michael Clavel? Donc on a le satellite Fermi qui continue d'approfondir les données, donc de collecter de plus en plus de photons gamma. Et après, à plus petite échelle, on a des instruments en rayon X qui peuvent aller voir le bord des bulles ou le centre galactique, donc qui a permis de détecter les cheminées proches du plan galactique. Et à grande échelle, il y a le satellite Hirosita qui a été lancé en 2019, qui a permis de faire un relevé profond de la totalité du ciel et qui a découvert donc ce qu'on appelle les bulles Hirosita. Alors justement, je vous en prie, qu'est-ce que c'est que ces bulles Hirosita ? Parce qu'on parle des bulles de Fermi, mais il y a d'autres bulles encore plus grandes. Voilà, donc les bulles de Fermi, on a dit qu'elles faisaient une taille apparente de 50 degrés. Les bulles Hirosita, elles font une taille apparente de 80 degrés, donc c'est encore plus gros. Ça ressemble à un cocon qui vient envelopper les bulles de Fermi, donc elles sont vraiment autour des bulles de Fermi. Et l'hypothèse actuelle serait que donc les bulles de Fermi ont gonflé, elles ont poussé le gaz qui était présent dans le halo de notre galaxie. Ce gaz, donc, c'est comprimé, ça a créé une surdensité, ça a chauffé, et c'est ça qui émet en rayon X actuellement et qui crée les bulles Hirosita. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, ces bulles Hirosita qui sont encore plus grosses mettent des contraintes encore plus grandes sur les processus à l'origine des bulles de Fermi. Et alors justement, qu'est-ce qu'elles viennent dire de plus, ces bulles Hirosita ? Parce qu'on a déjà des bulles de Fermi qu'on ne sait pas très bien manipuler et dont on a du mal à comprendre l'origine. Comment est-ce qu'il faut comprendre cet empilement finalement de bulles autour de notre galaxie, Régis Terrier ? On peut dire que ça clarifie quand même les choses parce que effectivement, on n'était pas tellement sûr en voyant juste les bulles de Fermi de savoir si elles se limitent à ça explicitement et qu'on a une espèce d'onde de choc au niveau des bulles de Fermi et que peut-être les particules sont accélérées à cet endroit, etc. Là, avec les observations d'Hirosita, on voit vraiment le choc, puisque les rayons X, comme l'a dit Maïka, tracent la matière qui est comprimée par l'onde de choc, et donc une matière qui est chauffée à des dizaines de millions de degrés, et donc on voit là véritablement l'onde de choc de la matière qui a été injectée dans le halo de la galaxie et qui continue à pousser la matière du halo. Et ces bulles Hirosita, elles sont datées, elles sont concomitantes aux bulles de Fermi, est-ce qu'on peut les dater ? Est-ce qu'on a une idée approximative qui correspond à celle qu'on a pour les bulles de Fermi ? Comment est-ce qu'elles se superposent finalement ? On ne peut pas être sûr à 100% qu'il ne s'agit pas de deux phénomènes distincts. On pourrait imaginer qu'il s'agit de deux phénomènes distincts. Maintenant, c'est assez compliqué d'imaginer pourquoi on aurait ces bulles à cet endroit en rayon gamma et puis par-dessus des bulles en rayon X. C'est assez naturel d'imaginer qu'il s'agit du même phénomène. Mmh. Voilà, et donc, effectivement, ça s'assemble très bien avec l'idée d'une éjection de matière importante qui crée une onde de choc dans le milieu intergalactique, enfin, disons le milieu circumgalactique, le milieu qui entoure la galaxie, et qui donc injecte des particules énergétiques qu'on voit dans les bulles de Fermi et qui chauffe la matière ambiante qu'on voit dans les bulles de Rosetta. Peut-être une précision, d'ailleurs justement sur ce milieu inter ou circumgalactique, qu'est-ce qu'il y a autour, quel est le contenant des bulles de Fermi en quelque sorte, Michael Clavel? Mais il y a du gaz qui, du coup, est compressé par l'expansion des bulles. Et donc, c'est ça qu'on voit en rayon X. C'est tout. Si on continue, à explorer ces bulles, on a entendu des rayons gamma. On a les bulles Rosetta en rayon X. Donc, on commence à regarder sur différentes longueurs d'onde. C'est ce qu'on appelle de l'astronomie multi-longueur d'onde, qu'on pourrait extrapoler en disant de l'astronomie multi-messager. Il y a autre chose qui pourrait venir nous apporter finalement d'autres types de renseignements en astronomie stricto sensu, multi-messager registérier, mais qui est peut-être à prendre avec beaucoup de pincettes, vous allez nous expliquer. C'est le détecteur Ice Cube en Antarctique qui aurait détecté une dizaine de neutrinos de très très haute énergie qui proviendraient des bulles de Fermi. Expliquez-nous un peu ça. Eh bien, effectivement, donc on a vu qu'il y a deux moyens de produire des rayons gamma. Un de ces moyens, ça vient des noyaux ou des protons très relativistes qui rentrent en collision avec la matière interstellaire, qui créent des sous-produits, des particules secondaires, parmi lesquelles des photons gamma, et puis d'autres, ce qu'on appelle les pions, qui vont se désintégrer et produire des neutrinos. Ces neutrinos sont extrêmement difficiles à détecter. C'est une particule qui interagit extrêmement peu avec la matière. Mais malgré tout, elle est porteuse d'énormément d'informations astrophysiques. Parce qu'effectivement, c'est une indication très claire qu'on a un processus qui met en jeu des noyaux énergétiques. Et donc, un enjeu aujourd'hui dans l'astronomie multimessager, c'est d'être capable de les détecter et puis de caractériser des sources pour comprendre les phénomènes. Donc on a plusieurs détecteurs actifs, il y a effectivement IceCube en Antarctique, en Europe il y a le détecteur Antares qui vient de s'arrêter, et puis on prépare le détecteur KM3Net qui va lui succéder en Méditerranée. Et le détecteur IceCube a détecté une série de neutrinos, effectivement, dont certains sont en coïncidence spatiale avec les bulles de Fermi, et donc c'est tentant d'imaginer qu'ils en viennent. En coïncidence spatiale, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'ils sont à l'intérieur, ils ont été détectés à partir d'une position qui est à l'intérieur des bulles de Fermi. Okay. Maintenant, rien ne prouve pour autant qu'ils en émanent. Et effectivement, il y a des neutrinos qui viennent d'un peu tout le ciel. Et la question est bien sûr de savoir proprement si, de pouvoir déterminer avec une confiance suffisante qu'il s'agit bien de neutrinos qui viennent des bulles de Fermi. Pour l'instant, je ne crois pas qu'on en soit là encore. Mais est-ce que ça veut dire, Michael Clavel, que la poursuite des investigations, notamment sur cet événement initial créateur, peut venir justement de l'examen d'astronomie multimessager, c'est-à-dire en cherchant en dehors des strictes longueurs d'onde où on arrive à observer ces différentes bulles, que ce soit gamma ou X pour les bulles Rosetta? Je pense que les neutrinos, c'est une option multimessager. Après, on a encore des choses à regarder dans la lumière classique, on va dire, notamment avec le satellite Athéna que mentionnait Andrea Goldfomb dans le reportage, puisque avec ce satellite, on va pouvoir mesurer précisément les positions des raies, donc les vitesses des matériaux qui émettent en rayon X. Et donc notamment au niveau du choc, on va pouvoir déterminer s'il s'agit d'un choc rapide, donc lié à un jet, ou à un choc plus lent qui pourrait être lié à des vents. Et ça, ces études-là, elles sont en cours. Satellite est en cours de conception. Okay. Donc, il sera lancé probablement en 2034, la date actuelle, ce qui sera peut-être reporté, on ne sait pas. Mais voilà, donc c'est pas tout de suite, mais c'est des choses qu'on espère pouvoir faire à la fin. à l'horizon des années 2030. On arrive dans les dernières minutes de cette émission. Peut-être pour conclure aujourd'hui, qu'est-ce que ces bulles de Fermi, donc que l'on a découvert, encore une fois, je le rappelle pour les auditrices et les auditeurs qui nous rejoignent il y a à peine plus d'une dizaine d'années, d'une douzaine d'années en l'occurrence, qu'est-ce qu'elles nous ont appris sur la structure galactique, sur la nature même de notre Voie lactée? Est-ce que finalement elles nous permettent de jeter un autre regard sur la façon dont notre galaxie vit, a vécu, s'organise et se... Oui, elle nous montre à l'échelle de notre galaxie un phénomène qu'on appelle la rétroaction, dans lequel pour former les étoiles qui la constituent, pour alimenter le trou noir qui est à son centre, la galaxie doit accréter de la matière du milieu intergalactique, et donc cette matière va déclencher de la formation d'étoiles, va éventuellement déclencher une activité au niveau du trou noir, et on voit là que cette activité, elle a pour conséquence de réémettre de la matière dans le halo de la galaxie, et donc de limiter le processus. Donc c'est un processus qui a tendance à s'équilibrer entre et donc c'est ce qu'on appelle la rétroaction, et qu'on observe là finalement à l'échelle de notre galaxie. Mike Clavel, pour conclure justement sur ces questions. Ça nous montre que notre trou noir, qui actuellement a très peu de rétroaction sur la galaxie, en a eu par le passé, et ça a des conséquences actuelles sur ce qui se passe dans notre galaxie. Donc c'est comme quoi, par exemple? Comme ce que vient de dire Régis, c'est-à-dire qu'il y a de la matière qui a été expulsée, qui va retomber, et donc il va y avoir des interactions dans le disque de notre galaxie liées à cette à la création de ces bulles. Qu'est-ce qui pourrait être, pour finir, l'élément discriminant? Est-ce qu'on peut s'attendre d'une manière ou d'une autre à ce qu'on appelle un smoking gun, c'est-à-dire de dire, grâce à cette information-là, on peut maintenant trancher définitivement entre les deux hypothèses, on peut vraiment avoir une idée de l'événement initial qui a été à l'origine de la création de ces bulles, ou est-ce que c'est du fantasme? Je pense que les bulles Hirosita répondent en partie à cette question, c'est-à-dire que l'énergie qu'il faut pour les bulles Hirosita tire vraiment à la limite de ce qu'on peut faire avec uniquement des étoiles. Ouais. Donc actuellement, les scénarios proposés impliquent une activité du trou noir supermassif. Maintenant, à savoir si c'est un jet ou des vents générés par ce trou noir, c'est une question ouverte. Eh bien, c'est une question à laquelle nous tâcherons de rester attentifs dans le futur. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de ces bulles de Fermi. Merci, Maïka Clavel. Merci, Régis Terrier. La méthode scientifique, c'est Natacha Triou, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Antoine Beauchamp, Mariam Ibrahim, Amel Boucherka, Tom Umdenstock, Céline Lausanne de retour parmi nous, Olivier Bétard à la réalisation et Félix Delacour aujourd'hui à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France et en réécoute à l'heure et au moment que vous souhaitez sur le site franceculture.fr, et ce, à tout jamais, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.